Dossier 6. Livre, page 71. Question A. Une conversation entre un Syrien et un Français. Le Syrien. La fête nationale en France, c'est quand ? Le Français. C'est le 14 juillet. On la célèbre avec un défilé militaire et des feux d'artifice. Le Syrien. Nous, en Syrie, notre fête nationale, c'est le 17 avril. Le Français. Et la fête des mères, c'est quand en Syrie ? Le Syrien. C'est le 21 mars. Le Français. En France, nous célébrons la fête du travail le 1er mai. Le Syrien. Ah bon ? C'est comme partout dans le monde.